L'ago te cherche, elle veut te faire tomber dans son piège. C'est quoi le tel? Même les infidèles se méfient d'elle. Ouh, toi qui es toujours sûr de toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que c'est sa première fois? Qu'est-ce que t'es naïf, t'es bête. Fini mon verre, t'as besoin d'aide. Non, ce n'est pas comme ça. Tu vas te faire mal au dos si tu la suis dans la danse. Fuis, elle est danger. Elle est connue dans le game, cette fille, elle aime ça. Elle veut la vie de rêve, elle essaie de le mettre, t'es son élève, elle te traîne. Au gars, tu prends des risques, elle va te rendre triste. Seule sur la piste, le dernier de la liste. La vie de rêve, elle essaie de le mettre, t'es son élève, elle te traîne. Au gars, tu prends des risques, elle va te rendre triste. Seule sur la piste, le dernier de la liste. L'ago te cherche. Elle veut te faire tomber dans son piège. C'est quoi le tel? Même les infidèles se méfient d'elle. Ouh, toi qui es toujours sûr de toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que c'est sa première fois? Qu'est-ce que t'es naïf, t'es bête. J'finis mon verre, t'as besoin d'aide. Elle vient du bendo, elle est belle mais elle est dingue. Elle est fringuée par les blendés, te vois pas si t'es flingué. C'est la boss de sa bande, son gloss te fait bander. J'te parle pas de son tanga, oublie c'est un sans forme de mangue. J'te dis ça parce que t'es mon gars, ce n'est pas la seule bombe. Laisse-la dans son monde, elle est bonne mais déconne pas. Ouh, toi qui es toujours sûr de toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que c'est sa première fois? Qu'est-ce que t'es naïf, t'es bête. J'finis mon verre, t'as besoin d'aide. C'est quoi le tel? C'est quoi le tel? C'est quoi le tel?